avant d'espérer rencontrer un ami. Regarde dans ton cœur, tu peux espérer rencontrer un ami. Au fond de ton bonheur, tout seul, sans la tendresse, loin des baisers, loin des sourires, tout seul, goûter l'ivresse d'enfin oser ton avenir. Avant d'espérer rencontrer un ami, regarde dans ton cœur, tu peux espérer rencontrer un ami. Facile, tout est facile, il te suffit de tout lâcher. Lâcher, c'est difficile, tu as si peur, peur de tomber. Avant d'espérer rencontrer un ami, espérer rencontrer un ami. Au fond de ton bonheur, tu peux voir dans tes yeux, voir dans tes mains, voir dans ton corps. Tu peux sauter dedans, dedans de toi, tout dedans dehors. Avant d'espérer rencontrer un ami, regarde dans ton cœur, tu peux espérer rencontrer un ami.